bénissons le Seigneur pour ce moment de prière. Notre programme c'est une semaine spéciale, une semaine de prière. Et je voulais t'encourager, mon frère, je voulais t'encourager, ma soeur, à prendre ces moments dans la prière, à prendre ces instants dans la prière. La prière de la nuit a ses particularités. Et je prie le Seigneur que cette semaine, tu réalises cela. Lundi, aujourd'hui, mardi, vendredi, nous sommes ensemble pour une heure de prière chaque nuit. Dieu veut nous introduire, Dieu veut t'introduire dans de grandes choses. Tu as besoin de la prière. Alors, reste sensible à l'action de l'Esprit. Et reste connecté à l'action de l'Esprit. J'aimerais que nous puissions remercier le Seigneur pour ce moment qu'il nous donne, pour le temps qu'il nous donne de passer ensemble. Lève ta voix, dis merci Seigneur, me voici, je suis là. Bénis ce moment de prière, bénis ce temps, que ta grâce se manifeste dans ma vie, que ta main nous accompagne pendant tous ces instants de prière. Élève ta voix, commence à prier. Seigneur, nous te disons merci. Merci ce matin. Merci pour ce moment de prière. Merci pour ce temps que tu nous donnes. Ce temps que tu nous donnes de nous tenir devant ta face. D'abandonner pour un temps nos lits. D'abandonner pour un temps nos occupations. De tourner nos faces vers toi. Le créateur de toutes choses. Pour te montrer combien tu es précieux pour nous. Pour te montrer combien tu es plus que tout ce que nous avons. Bénis ce moment, Seigneur. C'est une rencontre que nous voulons réellement avec toi. C'est une rencontre que nous voulons dans nos vies. C'est une rencontre que nous voulons là où nous vivons. C'est une rencontre que nous voulons dans l'église. Tu nous dis, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Tu nous dis, vous m'invoquerez, je vous répondrai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Oui, Seigneur. Nous t'invoquons, nous sommes venus pour t'invoquer, pour crier, crier à Dieu qui peut faire quelque chose pour nous. Crier à Dieu qui peut changer la situation. Crier à Dieu qui est merveilleux. Oh merci Seigneur. Merci Seigneur. Un jour dans ta présence vaut mieux que mille journées passées ailleurs. Oh, tu disais à tes disciples, vous n'avez pas pu veiller même une heure. Oui, Seigneur, nous sommes là. Nous sommes là ce soir, parce qu'il y a une action. Il y a une action de l'Esprit. Parce que tu es présent. Nous sommes là ce soir. Merci, Dieu. Merci Dieu. Merci pour les vies qui seront transformées aujourd'hui. Merci pour les réponses à nos prières. Merci pour des guérisons aujourd'hui. Merci pour des délivrances ce soir. Merci pour les consolations que l'Esprit va apporter ce soir. Merci pour les réponses aux questions qui sont posées, qui ont traîné dans nos vies. aux questions qui nous dépassent. Merci Seigneur. Oh, je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Parce que tu es merveilleux. Parce que tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Jésus. Tu es merveilleux. Sois béni, Seigneur. Sois béni. Sois béni, sois élevé. Sois béni, sois glorifié. Sois béni, Seigneur. Quel Dieu merveilleux. Quel Dieu merveilleux. Quel Dieu merveilleux. Quel Dieu merveilleux. Quel Dieu merveilleux. Quel Dieu merveilleux. Quel Dieu merveilleux. Quel Dieu merveilleux. Tu nous dis, Seigneur, que tu es merveilleux. Oh, je me rappelle. Je me rappelle de Manoah et de sa femme. Oh, quand il demande à l'ange, je désire connaître ton nom. Il lui a posé la question, veux-tu connaître mon nom? Il dit oui. Il dit que mon nom est merveilleux. Oui, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Quand tu rencontres quelqu'un, il sait qu'il découvre auprès de toi. C'est que c'est un Dieu merveilleux. Quand tu rencontres quelqu'un dans sa famille, dans sa maison, quand il te découvre, il trouve que ce Dieu-là est merveilleux. Oh, ce soir, nous voulons que tu nous rencontres. Rencontre mon frère, rencontre ma soeur, pour qu'il découvre que nous avons un Dieu merveilleux. Un Dieu merveilleux. Un Dieu merveilleux. Au milieu de tout le monde, au milieu de toutes les situations de la vie, quand on le découvre, on réalise que c'est merveilleux. Même le malade, il découvre que ce Dieu est merveilleux. Même les prisonniers découvrent que ce Dieu est merveilleux. Ceux qui ont des problèmes, oh, ce soir, quel moment, Seigneur. Quel moment. Merci pour la vie. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour la vie. Merci pour la vie. Nous te disons merci pour la vie éternelle. La vie éternelle. Elle n'est pas seulement éternelle dans la durée. Elle est aussi éternelle parce qu'on ne peut pas la détruire. On ne peut pas la détruire. Oh, c'est pourquoi ce soir, je suis en train de proclamer que rien ne peut détruire ma vie. Rien ne peut détruire la vie de mon frère. Mon frère, proclame. Proclame ce soir que la vie que tu as, personne ne peut la détruire. Parce que c'est la vie éternelle. C'est la vie qui vient de Dieu. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Ma vie, elle est éternelle. Elle est indestructible. Elle est indestructible. Le monde ne peut pas la détruire. L'ennemi ne peut pas la détruire. Le monde des ténèbres ne peut pas la détruire. Oh, d'ailleurs, tu es venu pour chasser les ténèbres. Je te bénis, Seigneur. Vers le Seigneur. Contemple l'amour de Dieu. Thank you. amour, Jéhovah. Je bénis cet amour qui ne change pas. Quand je proclame, je suis rassuré que j'ai un Dieu qui m'aime. Quand je le proclame, même dans la vallée de l'ombre de la mort, même au milieu des problèmes, je sais que Dieu, tu m'aimes. Tu m'aimes. Tu m'aimes. Oh, Jésus m'a dit, je ne peux l'appeler mon père, mais votre père aussi. Tu es mon père, comme tu es le père de Jésus. Oh, merci Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu me rassures dans ma vie. Tu me rassures dans mes situations. Reçois l'honneur, la puissance et la gloire. Oh bien-aimé, c'est un moment merveilleux. Nous voulons réellement passer ces instants dans la prière. Pendant que nous prions, reste-moi concentré avec moi. Je vais lire un texte, un court texte. Ce n'est pas le message, mais nous sommes en prière. Dans 1 Jean chapitre 1, à partir du verset 9 jusqu'au verset 10, et je vais aller même dans 1 Jean chapitre 2, les deux premiers versets. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Si tu confesses, il va te pardonner. Et il va te purifier. Parce que nous sommes en train de nous approcher d'un Dieu saint. Le verset 10 nous dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. J'aimerais que tu t'associes avec moi. Jésus est notre avocat. Si nous confessons, Dieu nous pardonne. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons de Dieu menteur, parce qu'il nous a créés comme des hommes. Quelque part, il y a un problème avec le Seigneur. Mais Dieu a besoin de ton cœur ce matin. Parce que nous sommes en train de monter à la montagne du Seigneur. La Bible nous dit dans le psaume, de qui montera à la montagne du Seigneur? Celui qui a un cœur pur, les pensées pures, les mains pures. Alors nous voulons prier pendant ce temps. Demande pardon au Seigneur. Si tu confesses, il est fidèle pour pardonner et purifier. Voilà pourquoi nous voulons prendre encore ce moment pour demander pardon au Seigneur. Élève ta voix et prions ensemble. Seigneur, merci. Merci pour le sang de Jésus qui a coulé à la croix il y a 2000 ans. Merci parce que nous avons le pardon de nos péchés par le sang de Jésus. Merci parce que ce sang nous purifie de toute iniquité. Du fond de notre cœur, du fond de nos pensées, au loin de nos paroles, ô Jéhovah, j'implore ta miséricorde, non seulement sur moi, sur mon frère, sur ma soeur, sur l'église. Je prie maintenant que le sang de Jésus nous purifie. Je prie maintenant que le sang de Jésus nous lave. Oh Jésus, tu es au roi. Souviens-toi du sang de Jésus qui a coulé ce jour-là. Oh merci Seigneur. Merci. Pardonne nos péchés, Seigneur. Lave-nous, purifie-nous sincèrement. Parce que ce soir, nous voulons te rencontrer. Nous voulons te rencontrer. Heureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. C'est ce que tu nous dis dans Matthieu chapitre 5. Oui, purifie nos cœurs, purifie nos vies, purifie nos cœurs, purifie nos vies. Ce soir, purifie nos cœurs, nos cœurs, nos cœurs, nos cœurs, nos cœurs. Je prie. Tout ce qui est dans mon cœur qui ne t'a pas honoré, purifie-moi. Tout ce qui est dans le cœur de nos vies, purifie Seigneur. Oh merci Seigneur. Merci pour Jésus-Christ. Merci pour Jésus-Christ. Pour ce don merveilleux. Je prie pour l'Église. Je prie pour ce frère. Seigneur, je prie pour lui. Je prie ce soir que le sang de Jésus le purifie. Que le sang de Jésus le lave. Je prie ce soir qu'il réalise que Dieu, tu nous as aimés. Tu nous as donné Jésus-Christ pour nous sauver, pour nous pardonner, pour nous approcher auprès de toi. Tu dis que ceux qui étaient loin, tu les as approchés par Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Enlève le poids de la culpabilité. Enlève le poids de la culpabilité du péché. Enlève le poids dans la conscience, dans le cœur. Parce que nous nous approchons de toi et nous invoquons le sang de Jésus. Père, nous voici. Nous voici ce matin. Oui, bien-aimé, si tu le fais sincèrement, Dieu est fidèle. La Bible nous dit, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quelle que soit ton iniquité, confesse-le auprès de Dieu. Il va te pardonner. Il va te purifier. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Rends-nous plus blancs que la neige. Plus blancs. Oh bien-aimé, Dieu nous dit dans Ésaïe, le premier chapitre, il dit, venez et plaidons ensemble. Venez et plaidons ensemble. Dieu est prêt. Même si les péchés sont comme le cramoisi. Il dit, venez, plaidons ensemble. Crois du fond de ton cœur que si tu plaides ensemble avec le Seigneur, il te fera grâce. Crois dans le pardon de Dieu. Crois dans le pardon que Dieu donne. Seigneur, merci. Merci. Je te dis merci parce que tu es fidèle et juste. Merci pour le pardon. Merci Seigneur. Maintenant nous pouvons nous approcher de toi en toute liberté. Nous pouvons nous approcher de toi en toute liberté. Alléluia. Quand il te lave dans le sang de Jésus, il te rend plus blanc que la neige. Dans Genèse chapitre 1, verset 2, la Bible nous dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la terre soit. Dieu dit que la lumière soit. Oh, Dieu a commencé à travailler. L'Esprit a rendu la parole de Dieu puissante pour agir. C'est pourquoi je voudrais que tu pries maintenant que le Saint-Esprit te remplisse, que le Saint-Esprit te saisisse, que tu sois à l'œuvre sous le contrôle du Saint-Esprit. Commence à prier, commence à implorer la grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu. Oh merci Seigneur, tu dis que cette promesse est pour nous. La promesse de l'Esprit, elle est pour nous, pour nos enfants et pour ceux qui croiront. Nous croyons ce soir, Laisse que la promesse du Saint-Esprit se manifeste maintenant dans nos vies. Nous croyons ce soir, laisse que la promesse du Saint-Esprit se manifeste dans nos vies. Nous croyons, Seigneur, laisse que le Saint-Esprit agisse dans nos vies. Inonde nos cœurs. Laisse que le Saint-Esprit nous saisisse, Seigneur, en ce moment. Laisse que le Saint-Esprit touche ma soeur, touche mon frère, maintenant, au nom de Jésus. Oh, merci. Merci, Seigneur. Merci pour l'action de l'Esprit. C'est une promesse, une réalité. Oh, le Saint-Esprit est descendu ce jour-là. Jusqu'aujourd'hui, il est à l'œuvre. Saint-Esprit, agis maintenant. Agis dans nos vies. Agis dans nos cœurs. Non seulement dans le cœur, dans nos vies. Dans l'église, dans nos maisons. Dans tout ce que nous faisons. Notre vie n'est pas limitée à l'église. Non, non. Notre vie, c'est dans le monde. C'est partout. C'est pourquoi je prie maintenant que le Saint-Esprit t'accompagne, soit avec toi quand tu seras au travail, quand tu es dans ton lit, quand tu es à la cuisine, quand tu es au salon, quand tu es dans le véhicule. Et maintenant, pendant que je parle, que le Saint-Esprit commence à te toucher. Oui, il va toucher quelques personnes maintenant. Ouvre ton cœur seulement, sois disposé, parce que l'Esprit de Dieu est là. Il est là. Dieu te voit, Dieu te connaît et le Saint-Esprit va te toucher maintenant. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Je te bénis. Je te bénis. Oh bien, mais nous sommes en train de préparer nos cœurs. Par ce que Dieu va faire. Nous sommes en train de préparer nos cœurs Parce que nous sommes en train d'entrer dans les lieux très saints. Néhémie, je suis dans Néhémie au chapitre 4. Le verset 14, Néhémie dit au magistrat, priez pour vos femmes, priez pour vos fils et vos filles, priez pour vos maisons. Bien-aimé, quand tu entres en prière, prie pour ta femme, ton mari, prie pour tes fils et tes filles, prie pour ta maison. Donc la famille, et ce soir n'entre pas seul en prière, entre avec tous ces gens pour prier et Dieu va te faire grâce. Alors, j'aimerais qu'on fasse une prière avant de donner l'exhortation qui va nous donner tous les sujets de prière que Dieu nous a mis à cœur. La Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 3, je pense le verset 8, que le Fils de l'homme a paru pour détruire les œuvres du diable. Il a paru pour détruire les œuvres du diable. Ah, on nous donne déjà pourquoi Jésus est venu. N'oublie pas ce que nous venons de dire. Que tu dois prier pour tes fils et tes filles. Tu dois prier pour ta femme ou ton mari. Tu dois prier pour ta maison, pour ta grande famille, pour l'église qui est ta maison, pour l'endroit là où tu travailles. Et en priant pour eux, tu retiens que le Fils de l'homme a paru pour détruire les œuvres du diable. Maintenant, nous allons détruire les œuvres du diable. J'aimerais d'abord qu'on prie pour nos maris et pour nos femmes. Chacun va prier et détruire les œuvres du diable dans son mari et dans sa femme au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je me tiens devant ton trône. Tu me dis que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, a paru pour détruire les œuvres du diable. C'est pourquoi ce soir, je me lève comme un héros, je me lève comme un enfant de Dieu qui a Jésus-Christ en lui. J'ai détruit les œuvres du diable dans ma femme au nom de Jésus. J'ai détruit les œuvres du diable dans mon mari au nom de Jésus. C'est les œuvres de la sorcellerie, c'est les œuvres d'enchantement, c'est les œuvres de blocage, c'est les œuvres de maladie. J'ai détruit ces œuvres au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, j'ai détruit ces œuvres. Oh mon frère, prie, commence à détruire les œuvres du diable dans ton mari, dans ta femme, dans tes enfants, dans tes fils, dans tes filles et dans ta maison. Élève nos voix. Élève ta voix là où tu commences à prier. Bien-aimé, nous commençons maintenant à monter. Je te donne quelques minutes pour prier. Élève ta voix, commence à prier. Détruit ce soir au nom de Jésus. Bien-aimé, détruit tous les plans. plan de l'ennemi sur la vie de tes enfants, sur la vie de ton mari et de ta femme. Détruis ces plans au nom de Jésus. Détruis ces œuvres au nom puissant de Jésus. Et je détruis ces plans. Je déclare ce soir que ces plans ont échoué. Ces plans ont échoué. Ils ont échoué dans ma maison. Ils ont échoué dans l'église. Dans l'église, je détruis les œuvres du diable sur les mamans, sur les papas, sur les enfants. Au nom de Jésus, je détruis les œuvres du diable sur les amis. Au nom de Jésus, je détruis les œuvres du diable là où je travaille, dans mon travail, dans ma marche. Au nom puissant de Jésus, j'ai détruit les œuvres du diable. Ce soir, j'ai détruit les œuvres du diable. Au nom de Jésus. Oh, la Bible me dit que le nom de Jésus nous a été donné. Élevé au-dessus de tout nom. Élevé au-dessus de tout nom. Qui peut être nommé sur le ciel. Oh, c'est pourquoi ce soir, tous les noms contraires à la volonté de Dieu dans l'église, dans ma maison, dans mon travail, dans tout ce que je fais, mes enfants, mes projets, j'ai détruit maintenant toutes les œuvres du diable au nom de Jésus et je condamne tous les autres noms. Au nom puissant de Jésus, je les soumets au pied de la croix de Golgotha. Au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci. Père, je te bénis. Je te rends grâce. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Parce que je sais que tu prends ces instants à cœur. Et Dieu va te faire grâce. Alors je bénis le Seigneur. Je vais donner une exhortation ce soir qui va nous introduire dans les différents sujets de prière. Le thème que Dieu m'a donné pour toi, mon frère et ma sœur, une lutte en pleine nuit. Une lutte en pleine nuit. Une lutte en pleine nuit. Et la lutte s'est faite où? Sur un chemin sans marche arrière. Une lutte en pleine nuit. Sur un chemin sans marche arrière. Arrière. Le Seigneur m'a dit de parler à quelqu'un et de prier avec lui la nuit, de lutter avec lui la nuit, parce qu'il se retrouve dans sa vie sur un chemin sans marche arrière. J'aimerais que tu me suives bien. Pendant quelques minutes, nous allons prier ensemble. Et je crois que Dieu va te visiter. Je suis dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 32. Genèse chapitre 32, à partir du verset 24, je vais lire. Lutte de Jacob. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller car l'or se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Le soleil s'est levé lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Chapitre 33, verset 3. Lui-même passa devant eux et il se prosterna en terre 7 fois jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Bien-aimés, c'est une semaine de combat. Il y a certains combats dans la vie. Leur ampleur t'oblige à lutter la nuit. Il y a certains combats dans ta vie. À cause de leur ampleur, de leur force, de leur intensité, tu dois lutter la nuit. Il est minuit. Comprends que c'est l'heure des combats. À cause de l'ampleur du problème, Jacob se retrouve sur un chemin sans marche arrière. Tu es là, bien-aimé, sur un chemin sans marche arrière. Devant, il y a Ésaü qui vient avec une armée contre lui. Derrière, il ne peut plus rentrer chez Laban, qui venait aussi pour le tuer. Même si Dieu l'a épargné, mais il ne sait plus rentrer. Tu es là, tu me suis. Tu ne sais plus faire marche arrière dans la vie passée. Mais devant, tu as encore des combats. Ce n'est plus Jacob, c'est toi. Et tu dois lutter. Jacob a lutté ce soir-là. Et je t'informe. Si Dieu nous montre qu'il y a certains combats, à cause de leur ampleur, il faut lutter la nuit. Il y a aussi certaines victoires qui ne sont visibles que quand on a lutté pour certains combats la nuit. Et c'est pourquoi tu es heureux ce soir, parce que tu vas livrer bataille. Tu vas livrer bataille. Quelles étaient les causes du combat de Jacob? Je retiens 3 causes. La première cause, les souvenirs des paroles d'Ésaü. Quand il a pris la bénédiction d'Ésaü, Ésaü lui a dit, lui a promis, quand mon père ne sera plus là, toi, Jacob, tu verras. Oh bien aimé, je prie pour quelqu'un qui va lutter ce soir à cause des paroles suspendues sur ta vie. Jacob s'est rappelé des paroles d'Ésaü. Il y a des paroles qui sont suspendues dans le monde sur ta vie. Il y a des paroles qui sont suspendues dans la sphère surnaturelle, spirituelle. Le spirituel, ce n'est pas seulement chrétien, non. Quelqu'un a prononcé des paroles. À tort ou à raison, mais il y a eu des paroles. Quand Jacob se rappelle des paroles, il a peur. Oh, ce soir, nous allons annuler, nous allons nous combattre ces paroles-là. Deuxième chose, Jacob regarde ses faiblesses. Ésaü a une grande armée. Laban est fort aussi. Un chemin sans marche arrière. Tu ne vas pas reculer. Ce soir, nous allons avancer. Quel que soit ce que l'ennemi prévoit, quelles que soient les armes de l'ennemi, nous allons avancer avec le Seigneur. Tu dois avancer dans ta vie. Tu ne vas pas reculer et tu ne mourras pas. Alors Jacob, utilise ses stratégies. Premièrement, il fait précéder des messagers. Lui reste derrière. Ça n'a pas marché. Il envoie ses femmes. Ça n'a pas marché. Il utilise sa richesse. Il envoie les présents. Ça n'a pas marché. À un moment donné, il reste seul. Oh, frères et sœurs, il y a des combats dans la vie. Les combats de la nuit, on les livre seul. Oublie la richesse. Oublie les moyens. Oublie des messagers. Oublie femme, mari, enfant, oublie. Si tu es un enfant, oublie père, mère, oublie. Reste seul ce soir avec le Seigneur. Il a livré, il a lutté. C'est pourquoi le Seigneur m'a dit, parle désiré de la lutte en pleine nuit. La lutte en pleine nuit. Oh, Dieu est merveilleux. Et Jacob a obtenu 5 bénédictions. Ça signifie qu'il a lutté sur 5 choses. Il a été béni dans toutes les 5 choses. Aujourd'hui, nous allons prendre quelques-unes demain encore. Mais je te donne la première chose. Le verset 25. D'abord, la Bible nous dit, Jacob est resté seul. Il a lutté. Verset 25. voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Le premier résultat de la lutte de Jacob, sa façon de marcher a changé. Dans la vie, la démarche de Jacob a changé. La marche de Jacob a changé. Ça signifie que Jacob ne pouvait plus marcher de la même façon avec tout le monde. Tu ne marcheras plus de la même façon avec tout le monde. Dieu va te donner un rythme à toi. Alors, je voulais, ce soir, on a deux sujets de prière. Le premier sujet, nous allons lutter contre toutes les paroles dont tu te rappelles qui ont été prononcées sur ta vie et qui te font peur aujourd'hui. Et deuxièmement, nous allons prier que Dieu te donne un nouveau rythme dans ta vie. Tes affaires auront un nouveau rythme. Ta vie aura une nouvelle vitesse. Tu marcheras différemment. Que Dieu te donne un nouveau rythme. Et le rythme de Jacob lui a amené beaucoup de bénédictions. Alors, c'est la lutte en pleine nuit. Nous avons nos deux sujets de prière. J'aimerais que tu prennes position maintenant, parce que c'est le temps de combat. Le temps de combat. Jacob s'est rappelé que Esaü avait prononcé des paroles que quand papa ne sera plus là, tu verras, je te tuerai. Quelles sont les paroles que l'ennemi a prononcées sur ta vie, sur ta maison, sur ta famille? Quelles sont les paroles que les hommes prononcent? Il y a des paroles que tu as entendues et des paroles que tu n'as pas entendues. Ce soir, notre premier sujet de prière, c'est nous allons condamner. La Bible dit, toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Nous voulons condamner les paroles qui ont été prononcées sur nos vies, sur nos maisons. Bien-aimés, c'est le combat qui commence, c'est la lutte en pleine nuit. Ce que tu m'as dit, nous devons, cette semaine, nous devons lutter et nous voulons prier. Alors là où tu es, élève ta voix, commence à annuler toutes les paroles sur ta vie, sur la vie de tes enfants. Tu es là dans le quartier de plein qu'on prononce, la famille, la tante, l'oncle, tout ça que quelqu'un prononçait, au boulot, les amis, oh bien-aimé, je m'aimerais ce soir, fais la différence dans le nom puissant de Jésus. Élevons nos voix, commence à prier au nom de Jésus, au nom de Jésus. Jéhovah, Jacob s'est rappelé des paroles d'Esaü, il est resté avec toi. Ce soir, je suis avec toi en ces lieux pour annuler toutes les paroles que les hommes ont prononcées sur ma vie, contre ma vie. Oh, je suis là, je ne suis pas seul, je suis avec mes frères. Je suis avec mes enfants, je suis avec mon mari, avec ma femme, pour lutter et annuler toutes les paroles. Au nom de Jésus de Nazareth, Père, je prie, ces paroles-là qui ont été prononcées, que moi je ne connaissais pas, pour condamner ma vie. Mais je les annule maintenant au nom de Jésus. Ces paroles qui ont été prononcées pour qu'il y ait des échecs dans ma vie, pour limiter ma croissance, pour limiter ma grandeur, je les annule. Ils ont dit, on a mis une limite. Non, Seigneur, ce soir, je suis en train d'élargir, Seigneur, tous mes cordages. Je suis en train de couper toutes les limites qu'ils ont fixées sur ma vie. Au nom puissant de Jésus, il n'y aura pas de limites. Tu dis que le vent vient, vous savez d'où il vient, ni où il va. Je suis comme le vent. D'ailleurs, tu dis que tu fais des serviteurs de vent, de flammes de feu. Oh Seigneur, je prie maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, les paroles que les hommes prononcent dans le quartier contre moi, contre ma maison, contre ma famille, ce soir, je suis en train de les annuler. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, les paroles que l'ennemi prononce quand je dors, je les annule au nom puissant de Jésus. Que les paroles qui ont été prononcées sur le nom que je porte. Oh, ce soir, j'annule ces paroles au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que les paroles qui ont été prononcées dans la maison où je me trouve, j'annule ces paroles au nom puissant de Jésus. Parce que je suis avec Dieu. Avec Dieu. Bénis-moi. Bénis-moi. Bénis-moi ce soir. Bénis-moi ce soir. Au nom de Jésus. J'annule ces paroles. J'annule ces paroles. La Bible me dit, toute langue se lèvera en juste contre toi. Ces paroles qui se sont levées contre mon frère, contre ma soeur, contre mon fils, contre ma fille, contre mon travail. Ces paroles, je les annule maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'annule ces paroles. J'annule ces paroles. J'annule ces paroles. J'annule ces paroles. J'annule ces paroles. C'est l'oncle qui a prononcé. C'est la tante. C'est mon ami. C'est mon chef. C'est mon collègue. C'est l'avenu. C'est quelqu'un de méchant. Oh Seigneur, ces paroles-là qui sont venues poussées par le monde des ténèbres, poussées par l'ennemi, le diable, ce matin. Ce soir, j'annule ces paroles au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus, j'annule ces paroles. J'annule ces paroles. Mon frère, je déclare sur ta vie que toutes ces paroles-là sont annulées, sont annulées, sont annulées, sont annulées. Il y a des paroles qui te font peur. Oh, ce soir, j'annule ces paroles sur ta vie. Au nom puissant de Jésus, il y a des paroles qui ont bloqué tes affaires. J'annule ces paroles au nom de Jésus. Il y a des paroles qui ont bloqué ta maternité. Je les annule au nom de Jésus. Il y a des paroles qui t'ont rendu presque vagabond. Il y a des paroles qui ont bloqué le retour à ta terre promise, comme c'était le cas de Jacob. J'annule ces paroles au nom de Jésus. Il y a des paroles qui sont suspendues comme une épée. J'annule ces paroles au nom de Jésus. Toute malédiction qui a été prononcée sur toi, oh, je déclare que tu es béni en Jésus-Christ, que tu es une bénédiction en Jésus-Christ. Le Fils de l'homme a paru pour détruit les malédictions, et j'ai détruit les malédictions dans ta vie au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que tu manifestes ta puissance. Tu donnes la guérison. Tu donnes la délivrance. Il y a même des paroles. Il y a même des maladies qui viennent des paroles prononcées contre nous. Ce soir, toute maladie dans ta vie qui est venue à cause d'une parole que l'ennemi a prononcée contre toi, j'annule cette maladie parce que la parole est annulée et je proclame la guérison au nom de Jésus. Tout échec sur ta vie à cause d'une parole, oh, j'annule au nom puissant de Jésus. Tu ne vas plus échouer. C'est fini. C'est fini au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, le deuxième sujet de prière. Dieu a imposé une nouvelle marche à Jacob. Je prie pour toi. Ça paraissait une faiblesse à Jacob, mais c'était un nouveau rythme que Dieu lui avait donné. Un nouveau rythme de marche dans sa vie. Alors je prie que Dieu te donne un nouveau rythme dans ta marche, un nouveau rythme dans tes affaires. Ça, ce sont des prières qu'on fait la nuit. Dis, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je veux que mes affaires aient un nouveau rythme. Je veux que ma vie ait un nouveau rythme. Ceux qui t'ont vu hier, ils seront étonnés demain. Parce que Dieu va te donner un nouveau rythme. Même son frère Esaü était étonné. Même les gens de ta famille, oh, je déclare, ils seront étonnés. Parce que maintenant, tu auras un nouveau rythme. Tes études, un nouveau rythme. Tes business, un nouveau rythme. Ton mariage, un nouveau rythme. Tes affaires, un nouveau rythme. Tu vas étonner le monde. Élève ta voix. J'élève ma main sur toi. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Je déclare que tu vas nous donner un nouveau rythme. L'église aura un nouveau rythme. Nos affaires auront un nouveau rythme. Nos maisons, nos enfants dans leurs études, dans leur business, dans leur famille, nos femmes, nos maris. Seigneur, cette église, ce pays, nous aurons un nouveau rythme. Au nom puissant de Jésus, parce que nous prions, nous luttons avec Dieu en pleine nuit, comme Jacob, tu lui as donné un nouveau rythme. Donne-nous aussi un nouveau rythme, un nouveau rythme. Oh Père, je prie maintenant pour un nouveau rythme, pour un nouveau rythme, un nouveau rythme. Au nom de Jésus, un nouveau rythme, un nouveau rythme. Au nom de Jésus, quand il marchait à sa façon. C'est la façon que Dieu a déterminée. Oh Seigneur, tu nous dis toi-même, tu vas nous donner un nom nouveau que la bouche de l'Éternel va déterminer. Seigneur, merci. Merci Seigneur, un nouveau rythme, un nouveau rythme. Je prie Seigneur, je prie maintenant, je déclare, je lève ma main et déclare pour la vie de mon frère, pour la vie de ma soeur, pour la vie de l'église, pour son business, pour son mariage, pour sa maison, pour l'église, pour son travail. Je déclare un nouveau rythme au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur, ce n'est plus le rythme des hommes. Non, c'est le rythme de Dieu. C'est le rythme de Dieu. C'est le rythme de Dieu. C'est la vitesse de Dieu. C'est pourquoi je déclare une nouvelle vitesse, Seigneur. Une nouvelle accélération dans sa vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que tes affaires soient accélérées. Que tes besoins soient accélérés. Oh, Jéhovah. Accélère ses projets. Accélère, Seigneur, ce qu'il touche comme argent. Tu auras un nouveau rythme au nom puissant de Jésus de Nazareth, au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci Seigneur. La nuit là, Jacob en est sorti avec un nouveau rythme. Il est sorti avec un nouveau rythme. Je prie ce soir que celui qui me suit et moi-même, nous sortions de ce lieu avec un nouveau rythme. Je prie ce soir que nous puissions sortir, que nos affaires, nos maisons, nos maris, nos femmes, nos enfants sortent avec un nouveau rythme. Je prie ce soir au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus, pour un nouveau rythme. Seigneur, manifeste-toi. Un nouveau rythme, un nouveau rythme. Au nom de Jésus, je prie ce soir que les paroles, que les paroles que les hommes ont prononcées et qui étaient suspendues dans la sphère surnaturelle, je les annule maintenant. Au nom de Jésus, elles quittent là et je les enterre au pied de la croix de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Seigneur, ces paroles n'auront plus d'effet dans la vie de tes enfants. Seigneur, merci. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu nous aimes. Reçois l'honneur. Reçois la puissance. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Merci. Merci, merci. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Au nom de Jésus. Oh bien-aimé, nous allons remercier le Seigneur. Nous avons introduit aujourd'hui et nous avons donné le premier sujet. Toute la journée, continue à prier pour ça. Dieu va te donner un nouveau rythme et toutes les paroles suspendues seront annulées. Remercie le Seigneur et crois que Dieu écoute la. Il nous dit dans le psaume 65, ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Alors remercie le Seigneur pour cela et tu verras comment Dieu va faire. Père, je te dis merci. Parce que tu écoutes la prière. Merci parce que tu nous écoutes. Merci, notre prière est exaucée. Nous allons vivre de nouvelles choses. Nous allons voir de nouvelles choses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié. Je vais bénir ta nuit maintenant. Et avant de bénir la nuit, pour que tu dormes et que le Seigneur accomplisse ce que tu as demandé, je voulais remercier tous les frères que je vois qui sont en train de suivre sur les plateformes, sur Facebook, sur YouTube, sur WhatsApp, qui ont eu le lien de l'église source féconde. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, c'est très important. Ne rate pas cette semaine. Tu es à Likasi, à Lubumbashi, à Kinshasa, en Afrique du Sud. Je vois d'autres frères qui sont à l'extérieur du pays. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et continue à partager ce moment de live pour bénir aussi les autres. C'est notre responsabilité. Notre rendez-vous demain mardi à 23h30, vendredi à 23h30, mercredi, jeudi, vendredi à 16h30. Nous allons continuer. Aujourd'hui, nous avons introduit et maintenant nous allons attaquer les différentes bénédictions, les différents résultats que Jacob a eu dans son combat spirituel ce jour-là la nuit. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. N'oubliez pas, si l'église se fait compte, levez la main là où vous êtes. Je veux vous bénir et bénir votre nuit. Père, merci. Tu as vu tes enfants qui se sont tournés vers toi parce qu'ils croient que tu es le rémunérateur de ceux-là qui te cherchent. Maintenant, bénis leur sommeil. Que ceux qui n'arrivaient pas à dormir dorment aujourd'hui. Que ceux qui avaient des malaises n'aient plus de malaises. Que ceux qui étaient malades soient guéris. Je sais qu'ils vont témoigner. Ils vont envoyer leur témoignage pour donner gloire à ton nom et honte au diable qui dort, qui se repose pour glorifier ton nom encore demain. Nous te recommandons cette nuit au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes contents du moment que nous avons passé ensemble avec vous devant la face du Seigneur pendant une heure ce soir, le lundi 20 octobre. Nous croyons que demain nous serons encore ensemble au rendez-vous. Soyons là et J'aime un verset dans Ésaïe où Dieu dit, je n'ai jamais dit à la postérité de Jacob que vous allez me chercher en vain. Dieu n'a jamais dit qu'on va le chercher en vain. Non, non. Si tu cherches le Seigneur de tout ton cœur, tu vas le trouver. Et je suis sûr déjà à partir de ce soir, Dieu commence à travailler dans ton cœur. Que Dieu te bénisse. Bonne nuit et à demain.